que faire de toutes mes affaires qui gonflent mes étagères pour mes anniversaires. Que faire de toute la misère qui traîne sur les parterres de Paris à Auxerre. Que faire quand on s'affaire comme des hommes d'affaires, on parle sans adversaire, on en oublie nos mères. À terre je foule le sol, giflais toutes mes idoles, mais plaire à qui je deviens folle. Que faire de mes somnifères, des blancs, des rouges, des verts, on mélange de tout dans un verre. Que faire de mes films d'hiver, les vendre à pas cher, sur eBay on trouve et on se sert. Que faire de mon amour, ma chère, un mariage qui puisse se faire en France sans être vulgaire. À terre je foule le sol, j'irai de mes envols, plaire à toi, je suis folle.